de be ze de de re opus vos istum istum te ferre de ferre de ferre te bas te bas eruam eruam te bis pellere istum istum pellere Dixit. Svinge solvi, Carmen, Carmen solvi, Carmen divina interroge la fontaine de vérité, Tirésias, le devin. Tirésias évite de répondre. Il n'ignore plus qu'Édipe est joué par les dieux sans cœur. Ce silence irrite Édipe. Il accuse Créon de vouloir le trône et Tirésias d'être son complice. Révolté par cette attitude injuste, Tirésias se décide. La fontaine parle. Voici l'oracle. L'assassin du roi est un roi. Divinae expectamus Minerva filia Iovis Diana in trono incidens. Et tu femen insignis jaculatus supurit in nobis. Dicere non possum, licere non licet, licere nefastum, Oedipus non possum, licere necogas, cave, cave, nedica, clarissime Oedipus, acere fas, Oedipus, acere fas, acere fas. Tacitur nitas tacusat, tu per emptor, tu per emptor. Creo, creo,

Oracula, oracula, oracula.

Pyramid Monte Puero, meni boda, Perelico, min Monte Pambulo, meni boda, foratum pedes, vulneratum pedes, partum oculum, meni boda, repere, in monte, repere, rapatuli, rampastori, puero, meni boda, castam fugit, pudet, pudet, odipi ec fulis, pudet, odip, odis, ceteris, sciam, sciam, odip, odis, odip, odis, genus, sciam, sciam, odip, odis, genus, genus, meum, thank you.

Oedipus.